je sors, être humain. Au ciné, être humain. Ou seul chez moi, être humain. Il faut bien se rendre compte que j'ai fait les mauvais choix toute ma vie et que je paye le prix de mon ennui. Si toutes les filles sont parties et que je mange ma merde, et vu qu'on est ce qu'on mange, hein, comme on dit, alors autoproclamé, étron humain, étron humain, étron humain, autoproclamé, étron humain, étron humain, étron humain, je me suis autoproclamé, étron humain. Autoproclamé, étron humain, étron humain. Au resto, étron humain. D'ailleurs, j'y vais pas au resto. Étron humain. Bah non, ils servent pas de caca. Étron humain. Mes copains surveillants ont un papier cul qui est deux fois plus épais que le mien. Je crois que c'est ça la réussite sociale. Chier, s'en foutre partout sur les doigts. Et puis surtout sans sentir la merde quand tu sors des toilettes. Ah, autoproclamé, étron humain. Étron humain. Étron humain. Autoproclamé, étron humain. Autoproclamé, étron humain, étron humain, étron humain. Je me suis autoproclamé, étron humain. Autoproclamé, étron humain, étron humain, étron humain. Heureusement qu'il y a les chansons qui me font du bien. Étron humain. Heureusement qu'il y a la pizza qui cuit là-bas. Étron humain. Heureusement qu'il y a mon gros chat qui s'en fout de moi. Étron humain. Heureusement qu'il y a Clémentine. Mais ah, Clémentine, Clémentine. Mais ah, Clémentine, j'ai l'impression que ça finira mal. Clémentine, j'ai l'impression que... Je crois que ça finira mal, ça finira mal, Clémentine. Ça finira mal, Clémentine. Clémentine, Clémentine, je crois que ça finira mal.